Charles Makoto. Heureux de vous retrouver, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Les musulmans fêtent ce dimanche la fête d'Idri Fitri qui marque la fin du Ramadan. Le porte-parole de la communauté islamique du Burundi appelle la population burundaise à sauvegarder la paix et la sécurité. Les résultats des élections en mairie de Bujumbura viennent de tomber. Le parti CNR vient en tête, comme le dira Mireille Kanyange, qui vient de suivre cette activité. Et la Commission électorale nationale indépendante appelle les candidats aux élections sénatoriales à déposer leurs dossiers à partir du 27 mai courant jusqu'au 10 juin, après versement d'une caution de 400 000 francs burundais. La chronique nutrition de ce dimanche nous parlera du petit pois, qui est une alimentation riche en potassium et hydrate de carbone. Les détails sont dans ce journal mis en onde par François Akimana. La radio de l'avenir. Oh bonjour, je vous le disais dans les titres, les résultats des élections de 20 mai en mairie de Bujumbura viennent de tomber et donnent le CNR gagnant et le CNDD-FDD vient en deuxième position. Dans ce studio, je suis avec Mireille Kanyange. Mireille Kanyange, qu'en est-il de ces résultats? Oui, Charles Makoto, comme vous venez de le dire, selon les résultats provisoires que vient de donner la Commission électorale provinciale indépendante en mairie de Bujumbura par Terence Bizimana, son président, et bien pour chaque vote, commençons par les présidentielles ou en mairie de Bujumbura, le parti CNL vient en tête avec 136 552 voix, c'est-à-dire 44,49%. Le parti CNDD-FDD vient en deuxième position avec 112 017 voix, donc c'est-à-dire 36,65%. Et le parti UPRONA vient en troisième position avec 14 382 voix, pour dire que le taux est de 4,68%. Charles Makoto, pour les législatives, le parti CNL vient en tête avec 144 519 voix, c'est-à-dire 47,909%. Le parti CNDD-FDD vient en deuxième position avec 104 342 voix, 34%. Et le parti UPRONA vient en troisième lieu avec 14 389 voix, c'est-à-dire 4,68%. Et pour les conseillers communaux, en mairie de Bujumbura, selon toujours Terence Bizimana, président de la CEPI mairie, le parti CNL vient en tête avec 136 552 voix, c'est-à-dire 44,49%. Le parti CNDD-FDD vient en deuxième position avec 112 017 voix, c'est-à-dire 36,65%. Et le parti UPRONA vient en troisième position avec 14 382 voix, c'est-à-dire 4,68%. Selon l'effectif des électeurs en mairie de Bujumbura qui a été attendu sont de 476 590 personnes. Merci Mireille Kanyange pour tous ces détails. Les candidats aux élections des sénateurs sont appelés à déposer leurs dossiers à la Commission nationale indépendante CENI depuis ce mercredi 27 mai courant jusqu'au 10 juin 2020. Dans le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante de ce dimanche, le porte-parole de la Commission nationale indépendante fait savoir que le candidat doit verser une somme de 400 000 francs à la Banque de la République du Burundi. Philippe Nzobonariba précise que tous ces dossiers seront récits de 7h30 jusqu'à 16h. Les résultats provisoires des élections dans la province de Karoussi ont été rendus publics la soirée de ce samedi. Le président de la Commission électorale provinciale indépendante, CEPI, explique que le retard observé a été dû au travail de compilation des résultats dans trois communes qui a pris beaucoup de temps et les erreurs constatées dans certains résultats. Dissabira Romuard indique avoir réuni tous les responsables des commissions électorales communales indépendantes, ceci pour les corrections de ces erreurs. Blaise Pascal Kararoumié. Le président de la commission électorale provinciale indépendante de Karoussi, les résultats provisoires des élections de ce mercredi passé montrent que le parti au pouvoir, CNDD-FDD, vient en première position dans les trois scrutins avec un pourcentage de 88,51% pour les présidentielles, 87,9% pour les législatives et 87,65% pour les communales. Et le second étant le parti SNL avec un pourcentage compris entre 5,9% et 6,64%. Ensuite, suit les prenants qui totalisent entre 1 et 1,5%. Les autres partis politiques et coalitions comme FNL, APDR, Sawanya Frodebu, Coalition Kira Burundi et les indépendants qui étaient en compétition dans la province Karoussi, aucun n'a pu avoir 1% dans ces élections de 20 mai. Pour les inquiétudes de la population qui parle d'un retard de 3 jours pour que ces résultats provisoires soient connus, le président de la commission électorale provinciale indépendante Karoussi explique et confirme que les résultats des 3 communes, à savoir Kitaramuka, Kihogazi et Bugenyuzi, sont arrivés à la CEPI la nuit de ce vendredi et le matin de ce samedi pour les résultats de Gitaramuka. Homiwara Denzisabira dit qu'ils ont même remarqué que ces résultats, plus particulièrement ceux de la commune de Gitaramuka, contenaient beaucoup d'erreurs. Il informe qu'il a été obligé de convoquer les responsables des commissions électorales de toutes les communes pour la correction des résultats de cette commune jusqu'à constituer un nouveau récapitulatif F3 de compilation des résultats de cette commune de Gitaramuka. Cela est déploré par ce responsable de la CEPI Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page Société de ce journal, la communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle au futur gagnant ici des récentes élections de diriger pour l'intérêt de tous et le perdant à accepter le choix de la population. Au propos du représentant à l'égard de cette communauté, c'était ce dimanche lors de la célébration de la fête d'Idr Fitri, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Jafar Kassim, porte-parole de cette communauté, invite la population burundaise à préserver la paix et la sécurité. Suivez-les, les propos ont été recueillis par Moïse Misago. La signification du mois de Ramadan, ça marque la fin du jeûne, la fin du jeûne du sacré mois de Ramadan. Alors, comme Dieu nous l'a justifié dans son Coran, il a dit que nous sommes obligés de jeûner pendant le mois de Ramadan afin que nous puissions donc avoir la foi, je dirais la foi complète. Alors, aujourd'hui, c'est une grande fête parmi les meilleures fêtes musulmanes et où nous célébrons la fête d'Idd el-Fitr, la fête de fin du Ramadan. Donc, mais la grande signification, c'est que le mois de Ramadan, c'est un mois de correction. Donc, c'est le mois de se sacrifier à Dieu et jurer que tu ne retourneras jamais dans les péchés. Donc, c'est un mois de repentance devant Allah. Donc, nous ne pouvons retourner dans les péchés et nous jurons devant Allah que nous serons pieux devant lui et que nous continuerons à prier Allah ou bien à demander pardon à Allah. Concernant les élections, nous avons supplié Allah depuis le début que Dieu puisse donc nous aider à entrer dans la période électorale sans qu'il y ait mésentente, des bagarres et quoi. Et Dieu donc nous a aidés en cela. Et les électeurs sont allés élire leurs représentants dans la paix. Alors, ce que nous pouvions donc demander au peuple burundais en général, c'est qu'ils puissent donc rester sereins, sauvegarder la paix et être dans la cohésion sociale. Donc, il faut que nous soyons unis. Nous sommes tous burundais. Celui qu'on a élu sera le père de toute la nation. Il ne sera pas d'or pour une partie de la population. Alors nous demandons à la population burundaise d'accepter les résultats des urnes. Celui qui a été choisi, il est choisi pour tout le monde. Lui aussi, il va diriger pour tous les Burundais sans distinction. De Bujumbura, Kapsir Muyinga, où le président du Sénat burundais a invité les musulmans et tout Burundais à éviter les rumeurs en cette période d'attente de la proclamation du verdict des urnes par les instances compétentes. L'honorable Réveillé Ndikuriyo l'a déclaré à Muyinga devant des musulmans en prière de clôture du Ramada après les élections tenues à une seule journée. La vie continue, a-t-il dit, et a appelé la population de cohabiter comme d'accoutumé. et l'hôpital de Mutoyi, 6 ans, commune Bugendana, province de Gitega, est prêt à accueillir les personnes suspectées porteuses du coronavirus. Tels sont les propos du directeur de cet hôpital qui souligne que même un don constitué du matériel de prévention et de traitement de cette pandémie d'une valeur d'à peu près 90 millions de nos francs est attendu de l'Église catholique d'Italie. De son côté, le médecin provincial à Gitega déclare que jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus n'est enregistré dans cette province. De Gitega, nous appelons notre collègue Gérard Nibigira. Les patients qui se font soigner à l'hôpital de Mutoyi, 6 ans commune Bugendana, province Gitega, viennent de différents coins du pays et même des pays voisins comme la Tanzanie et la République démocratique du Congo, comme l'indique le directeur de cet hôpital. Docteur Nicolas Joseph précise que l'hôpital est prêt à recevoir les personnes suspectes d'être porteuses du coronavirus avant d'être examinées et transférées à Bujumbura dans un hôpital spécialisé dans le traitement des personnes atteintes de ce virus. Il ajoute que l'hôpital attend un dos constitué du matériel de prévention et traitement de cette pandémie d'une valeur d'environ 80 millions de nos francs promis par la conférence épiscopale d'Italie. Nous avons cherché une salle où on peut accueillir les personnes suspectes ou même éventuellement des malades avec des équipements dont les lits, les masques, les bouteilles d'oxygène et les concentrateurs d'oxygène. Parce que la grande complication pour cette maladie, ce sont les difficultés respiratoires qui peuvent conduire au décès par asphyxie. Donc les équipements sont là. Au niveau de la prévention, nous avons multiplié les points d'eau. Maintenant, pour entrer à l'hôpital, il y a toujours des points d'eau, on doit se laver les mains et même à l'intérieur de l'hôpital, on continue à installer de nouveaux points d'eau. Le matériel d'équipement de protection individuelle, les stocks sont là. Et au-delà de ça aussi, nous avons un projet que nous avons élaboré et qui a été accepté. Donc, nous aurons un don du matériel de prévention et de traitement du coronavirus. Un don qui est venu de la conférence épiscopale italienne d'une valeur de 30 000 euros en monnaie locale. C'est un peu moins de 90 millions. Ça aussi, ça va renfermer des équipements, ça va renfermer le matériel et même les médicaments préconisés dans la lutte contre le coronavirus. Cela étant, le médecin provincial à Gitega, Dr Etoi Salvatore, déclare qu'aucun cas de coronavirus n'a encore été identifié dans cette province jusqu'à présent. Depuis Gitega, Janib Gira pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le potassium et les hydrates de carbone sont certains des éléments nutritifs contenus dans le petit pois. Selon l'infirmier nutritionniste Jean-Paul Wineza, la consommation de cet aliment pourrait prévenir certaines maladies cardiaques, dont l'infarctus de myocarde. Jean-Paul Wineza appelle la population à associer le petit pois dans leur plat. Les détails, c'est dans cette chronique nutrition signée Vestine Boutoui. Lors de la chronique précédente, nous vous avions parlé des variétés du petit pois et de sa préparation. Aujourd'hui, l'infirmier nutritionniste Jean-Paul Wineza fait savoir que le potassium et les hydrates de carbone sont certains des éléments nutritifs contenus dans le petit pois. Les petits pois renferment beaucoup des hydrates de carbone. Les petits pois renferment aussi des protéines avec 5,42%. Les protéines des petits pois sont assez complètes, mais ils ont une quantité très moindre en méthionine, mais très élevée en lysine. Donc, quand on mange des petits pois, il faut les mélanger avec d'autres légumineuses. Autre chose, les petits pois renferment assez de vitamines, surtout du groupe B. Vitamine du groupe B1 qu'on appelle encore la thiamine, vitamine du groupe B2 qu'on appelle encore la riboflavine et aussi la vitamine du groupe B6 qu'on appelle encore pyridoxine. Aussi des vitamines du groupe B9 qu'on appelle folate. Les petits pois renferment assez de minéraux, surtout le potassium. Les petits pois frais renferment de la vitamine A, ils renferment le fer. La consommation du petit pois pourrait prévenir certaines maladies mentales et celles cardiaques, dont l'infarctus du myocarde, Jean-Paul Wineza l'explique. Des petits pois peuvent être utiles pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques parce qu'ils contiennent assez de potassium pour le bon fonctionnement du cœur. De plus, ils ne contiennent presque pas de graisse et de sodium. Les petits pois aussi doivent se consommer parce qu'ils sont très utiles pour les gens qui ont des insuffisances cardiaques et aussi des angines de poitrine et les infarctus du myocarde qui sont dits de la dégénérescence des tissus du cœur. Les petits pois doit se manger par les personnes qui ont des troubles de système nerveux. Parce qu'ils sont riches en vitamines du groupe B. Les petits pois interviennent aussi pour les gens qui ont de la dépression et aussi les gens qui ont de l'insomnie. Pour les femmes enceintes, les petits pois les aident à former bien leur fœtus, c'est-à-dire les protègent contre la malformation congénitale de leur bébé. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques et mentaux, ainsi que les femmes enceintes, sont certaines des gens qui devraient consommer le petit pois en suffisance, signale-t-il. Les femmes enceintes ont besoin beaucoup de la consommation de petits pois parce qu'on vient de dire que les petits pois renferment sont des vitamines, des protéines, des minéraux, des antioxydants qui peuvent les aider pour la production de leur fœtus dans leur ventre. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques, surtout les personnes qui ont des insuffisances cardiaques, les petits pois sont très nécessaires pour les personnes qui ont des maladies dermatologiques, puisqu'ils renferment les vitamines groupe B2. Le petit pois est très indiqué pour les personnes diabétiques, parce que les petits pois ont un sucre amidon qui est très assimilable au niveau de l'organisme. L'infirmier nutritionniste Jean-Paul Ouinez a conseillé la population à associer cet aliment avec d'autres pour une meilleure santé. À 13h13, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable journée dominicale à tous et à toutes. Au revoir.